Ya por mí. O sea, sería va servir à développer dans plusieurs de ses aspects le phénomène de la centricité mentale et les aspects de ce phénomène-là dans l'évolution de l'homme. Son importance extraordinaire, sans laquelle l'individu est incapable de supporter au cours de son évolution, dans le cycle qui se termine, les influences et les opinions qui viendront vers lui et qui chercheront d'une façon ou d'une autre à le désaxer. À le décentrer de lui-même, à lui faire perdre le fil de lui-même, à l'empêcher de développer une résonance suffisamment puissante pour qu'il puisse sentir ses propres vibrations de façon très concrète. L'expérience de l'homme dans les années qui viendront, surtout dans les prochaines 20 années qui viendront, sera très difficile sur le plan mental et sur le plan émotionnel. Parce que l'homme, quand je dis l'homme, je parle de l'homme nouveau, sera forcé de vivre des conflits venant de toutes parts, des conflits colorés de toutes les façons. Et ces conflits-là auront la capacité sur lui de le faire vibrer, de le faire douter, de mettre en question ce qu'il sait, ce qu'il sent, éventuellement ce qu'il est. Et c'est de ces conflits-là que les hommes qui font partie de cette transition d'un cycle historique à un autre, qui feront l'expérience du vieil ego se transmutant en ego neuf, se fondant dans une énergie totalement nouvelle, ces hommes-là seront forcés par les circonstances de la vie de tous les jours à vivre certaines souffrances morales internes qui ne pourront être dépassées que par une acquisition de plus en plus grande de leur pouvoir vibratoire. Le pouvoir vibratoire d'un homme, c'est un état de résonance qui permet à son ego de reconnaître s'il est ajusté à l'énergie de l'âme ou s'il est influencé par les forces extérieures. Et l'homme n'a et n'aura que deux voies. La préparation est longue parce que ce travail sera fait en profondeur. 15 à 20 ans de préparation, ce n'est pas excessif, ce n'est pas trop. Et les hommes auront besoin, au bout d'une certaine période, de pouvoir précisément sentir leurs vibrations et être assez centriques dans leur mental, c'est-à-dire détachés de leur émotion, parce que la centricité est justement le détachement total de l'émotionnel, pour pouvoir conserver la vibration interne qui leur permettra de toujours fonctionner en relation avec leurs propres énergies et non jamais avec les énergies d'un personnage extérieur à eux. État essentiel pour les hommes qui, un jour, auront à subir des confrontations avec des niveaux de réalité dépassant l'imagination humaine de vous. État essentiel pour l'homme qui devra au cours des années vivre dans une société ou en relation avec d'autres hommes dont les opinions, les idées seront totalement personnelles et subjectives. État essentiel pour l'homme qui voudra à un certain moment de sa vie être assez bien dans sa peau pour être totalement capable de vivre sa vie comme il la sait intérieurement. Le problème de centricité, c'est le problème fondamental de l'homme. Tout le reste dont on peut parler mène vers la centricité. Il y aura des gens, parmi les gens que vous connaîtrez, qui auront sur vous des influences qui mèneront à vous décentrer. Il y aura des gens dans le monde qui auront sur vous la capacité de vous décentrer parce que vous ne serez pas assez centré vous-même. Le phénomène de centricité, c'est un phénomène tellement important que seuls les chocs vibratoires qui viennent dans l'expérience de la vie vont vous faire connaître ce qu'est la centricité. Vous n'arriverez pas à la centricité sans souffrir un choc vibratoire ou un autre. Quand je parle d'un choc vibratoire, je parle d'une opinion contraire à la vôtre, d'une idée contraire à la vôtre. Tout ce qui est contraire à vous, intérieurement, vous créera un choc vibratoire. Et ça, déjà, vous, la plupart d'entre vous le connaissez, cette expérience. Mais cette expérience ne s'arrêtera pas à une expérience. Cette expérience continuera et continuera et continuera et continuera pendant des années et des années et des années jusqu'à temps que votre centre mental soit tellement développé et détaché de votre centre émotionnel qu'aucune force extérieure ne pourra vous faire vibrer dans l'émotion. Cette expérience sera fondamentale à tous et chacun d'entre vous. Vous ne pouvez pas passer à côté. Et elle est la clé. Elle est la traque. Elle est la porte par laquelle vous devrez passer pour éventuellement en arriver en contact avec l'invisible. Très dur à l'ego, parce que l'ego est très faible, d'être centré. Être centré, c'est pas une attitude, c'est pas une capacité, c'est un pouvoir vibratoire. Et c'est un pouvoir vibratoire qui se développe avec le choc vibratoire. Et le choc vibratoire crée automatiquement une souffrance interne. Et c'est de cette souffrance interne que vous développerez ce que j'appelle la centricité. la centricité, c'est un état d'esprit tellement, tellement puissant. C'est un état d'esprit tellement uni à vous-même, à la partie réelle de vous-même, que rien ne peut l'influencer. Absolument rien. Ça fait partie du pouvoir de l'âme sur l'ego. Et tant que l'âme n'aura pas sur l'ego le pouvoir, et que l'ego aura sur la personnalité le pouvoir, vous ne serez pas, vous ne saurez pas ce que je veux dire par la centricité. Lorsque l'âme aura sur votre ego le pouvoir, à ce moment-là, vous commencerez à comprendre ce que je veux dire par la centricité. Toutes vos expériences de tous les jours, surtout les expériences de tous les jours qui traitent de votre expérience intérieure. Les mots, les idées, les philosophies, les formes de spiritualité qui ne sont pas ajustées au supramental entreront en conflit avec votre émotion. Vous vous sentirez mal à l'aise. Vous ne serez pas sûr si vous avez raison. Vous questionnerez tout. Vous me questionnerez moi-même. Vous chercherez des comparaisons, des points de faiblesse. Votre ego cherchera des ouvertures. Et ce n'est pas par les réponses extérieures, venant de moi-même ou d'autres, que vous atteindrez votre niveau de centricité. C'est par votre propre souffrance dans ces conflits entre ce que vous sentez et ce que vous recevez de l'extérieur. C'est la croix de l'homme qui part de l'inconscient à la conscience. Il part du vieil ego au nouvel ego. Il part de l'ancienne frontière à la nouvelle conscience. Il part de la forme à l'inconscient. L'exécution du plan mondial, l'exécution du plan cosmique dans l'homme est absolue. Seulement dans le temps, dans les années qui viendront, aurez-vous la capacité de réaliser le caractère absolu de ce plan-là. Par le biais de votre propre changement, par vos propres vibrations. C'est au cours de ces expériences difficiles où vous serez en proie à une angoisse interne que vous réaliserez jusqu'à quel point votre faiblesse est grande et que vous réaliserez jusqu'à quel point il est nécessaire que l'homme vive certaines expériences difficiles pour devenir totalement fort. Demain, il n'y aura plus de place pour ceux qui n'ont pas la capacité de dépasser les formes de l'ego. Demain, il n'y aura plus de place pour ceux qui n'ont pas la capacité de se tenir sur leurs propres jambes. Ceux qui n'auront pas d'autonomie souffriront du manque d'autonomie. Parce que l'autonomie vous amènera à votre propre créativité interne. On vous guidera si vous avez un niveau de vibration suffisamment développé pour sentir la vibration de l'énergie. Vous serez guidé. Tout s'ouvrira donc. Mais si vous n'avez pas cette vibration, vous arriverez à un certain moment où la vie, la situation de vie sera comme un mur épais. Et vous n'aurez pas de sortie à travers ce mur. Les forces universelles sont diamétralement opposées à toute ingérence de l'ego dans le nouveau cycle d'évolution. Elles sont diamétralement opposées à toute interprétation de l'ego de la réalité. Elles sont totalement opposées à l'interprétation de l'ego de la valeur spirituelle de ton esprit. Parce que l'ego doit canaliser les forces et non réfléchir la lumière. Tous les arguments au monde de l'ego ne feront jamais contre-mander la connaissance qui est dans la conscience. La centricité que vous connaîtrez de plus en plus au cours des années deviendra pour vous un point, mais un point indéfectible, indestructible. Aucun être ne pourra avoir sur votre personnalité un pouvoir d'être. Quand je dis aucun être, je dis aucun être. Mais dans toute pénétration de l'énergie dans l'homme, l'ego doit subir le choc de cette pénétration. Et les expériences de tous les jours, surtout celles qui traitent de la, du vrai ou du faux, de la vérité ou du mensonge, de la forme et de cette dualité, l'ego doit le vivre. Je vous ai déjà dit que je n'ai pour vous, je sympathise avec vous, je sympathise avec l'homme, mais je n'ai aucune sympathie. Je sympathise avec vous parce que je comprends le problème de l'homme, mais je n'ai aucune sympathie pour l'homme parce que je sais que l'homme n'est pas homme. Et lorsque l'homme sera homme, il n'y aura plus de besoin de sympathie. Ceux qui sont trop délicats dans leur nature pour passer dans un autre champ d'évolution devront par eux-mêmes s'éliminer. Il n'y a pas d'autre choix. L'homme fait son propre choix, suivant son propre intérêt. l'homme entre dans la conscience universelle, n'entre plus dans l'école de la vie. Il sort de l'école de la vie. Fait que plus il entre dans la conscience universelle, plus il comprend la vie. Alors, il sort de l'école de la vie. Et lorsque l'homme sort de l'école de la vie, dans son passage vers l'extérieur, il y a toujours des gens autour dans la vie qui crient. Ils nous demandent de revenir dans l'école de la vie. On ne revient plus dans l'école de la vie. La sixième race créera une autre école. Mais ce ne sera pas une école de vie. Une école d'expression de ton pouvoir. L'école de vie sert simplement à permettre à l'ego d'évoluer. Ou à l'ego qui doit passer d'un stage à un autre, de détruire en lui toutes les formes qui l'assiègent et qui empêchent à ce dernier de vivre d'une façon parfaite. Il y a seulement une façon pour l'ego de vivre d'une façon parfaite, c'est d'être sûr, d'être sûr. Il n'y en a pas d'autre. Cherchez n'en a pas d'autre. La croissance de votre conscience vous apportera la croissance de la souffrance. Non, l'inverse. Parce que la croissance de votre conscience vous rendra nettement plus disponible aux forces. Et étant plus disponible aux forces, vous serez obligé de les vivre à une plus haute échelle. Et c'est là que votre acier va se tempérer. Oui. C'est là que votre force intérieure va se développer. C'est là que vous allez tuer en vous, pas égoïquement, mais par transmutation de l'énergie émotionnelle en énergie mentale, les faux sentiments de votre personnalité. Et c'est là que vous allez sortir graduellement de la forme, de sorte que, lorsque le temps sera venu, pour que vos yeux s'ouvrent sur l'autre réalité, votre ego ne sera pas là pour interpréter ce qu'il voit, mais sera là pour t'attirer à ce qu'il sera. Vos inquiétudes de toutes les sortes sont raisonnables devant la conscience de son futur. Vos raisons sont raisonnables devant la conscience de son futur. Et plus votre conscience se développera, plus vous sentirez les vibrations, plus vous devrez soutenir la pénétration de ces énergies pour que se clarifie en vous votre essence mentale. Comprenez. La philosophie ne peut plus vous sauver la vie. La spiritualité ne peut plus vous dorer la pilule. Vous êtes ce que les Américains appellent on your own. Et aucun homme ne peut rien pour vous. Ce que vous devez connaître vous sera transmis, mais vous serez obligé de vivre votre propre expérience. Les bas-fonds de la psychologie humaine, les bas-fonds de la psychologie spirituelle seront petit à petit ébranlés. Et tout en vous sera ébranlé. Ceux qui ont la sensibilité pour comprendre sans inquiétude, vivront ces expériences sans inquiétude. Ceux qui comprennent avec inquiétude vivront ces expériences avec inquiétude. Et tous grandiront. Quel que soit le terrain de votre expérience, il s'habillera. Et à un certain moment de votre évolution, tout s'habillera. La moindre chose s'habillera. Et à un autre moment de votre évolution, tout sera pour vous un choc vibratoire. Du plan psychologique, vous passerez directement au plan vibratoire. Ce n'est plus au niveau de la psychologie que vous serez affecté, ce sera au niveau de la vibration. Et le choc vibratoire ajustera vos corps. Jusqu'au moment où votre volonté sera suffisamment développée pour que vous puissiez vivre votre vie en choc. Et votre volonté sera l'arme personnelle, interne, en vous, qui vous permettra de faire tout ce que vous devez faire dans la vie, qui est directement lié à votre champ d'évolution occulte. Tant que vous n'aurez pas ces vibrations, vous ne pourrez pas connaître votre volonté. Mais lorsque vous aurez conscience de vos vibrations internes, vous aurez accès à l'énergie de votre volonté. Et c'est cette énergie qui dirigera toutes vos activités, les plus simples ou plus complexes. J'ose dire aujourd'hui que tout ce que vous faites aujourd'hui, quelle que soit son importance sociale, alors, n'est qu'une façon de vous tenir occupé. Que vous soyez médecin, avocat, juge, plombier, secrétaire, une façon de revenir, une façon de canaliser les énergies. Parce que il y en a parmi vous dont la vie doit s'étendre au-delà de l'expérience. Et le cadre de cette expérience est pour vous totalement inconnu, peut-être sans, mais est sujet à une préparation intense, non pas en relation avec un homme tel que moi-même, mais en relation avec vous-même. La seule importance que je puisse avoir dans votre vie, c'est si deu un pal dic, com és un pal. Un quinoc. Votre vie doit être menée suivant votre compréhension intérieure. Au cours des années, votre système nerveux sera changé. Parce que les expériences de tous les jours seront accumulatives et reliées au choc vibratoire, créera chez vous un changement dans votre système nerveux. Et ce changement changera tout votre appareil matériel. Les conditions psychologiques de votre état de santé seront altérées par ces changements. Les conditions psychologiques de votre état émotionnel seront altérées par ces changements. Et ainsi de suite au niveau mental. Quelle que soit la disponibilité que vous ayez envers vous-même aujourd'hui, pour le développement de votre propre intériorité, cette disponibilité est colorée par les désirs spirituels de votre ego. L'homme ne peut pas se rendre disponible aux forces. Ce sont les forces qui font naître l'homme et qui rendent l'homme suffisamment syntonisé à elle pour qu'un jour il y ait union totale et parfaite entre lui et elle. Des formes servent à attirer l'homme, à préparer l'homme, à le retirer de sa condition psychologique matérialiste pour l'amener à une plus grande réceptivité. Mais ces formes, quelle que soit leur grandeur, leur sacré ou leur qualité absolue, ces formes sont toujours des formes. Et elles ne sont que des outils pour qu'à un certain moment donné, l'homme puisse être rendu conscient de la vibration de la conscience cosmique en lui. Et c'est là qu'il est conscientisé de cette vibration qui commence à tout. Il commence à en reconnaître le pouvoir et la puissance. Il commence à en être instruit. Il commence à se séparer psychiquement de l'homme ancien. Qu'il commence à perdre les nuances psychologiques de son ego faible, inquiet. Qu'il commence à réaliser que le libre arbitre sur notre planète est une illusion créée par les formes pour que ne soit pas assujetti l'esprit humain. Dans le but éventuel de former l'ego. Qui doit éventuellement servir de canal, pour éventuellement être unifié à la force, pour qu'éventuellement la matière soit spirituelle. Voilà la fonction de l'ego. L'ego n'est pas ce que l'homme inconscient croit qu'il doit être. L'ego doit être rendu autre chose. L'ego de l'homme doit être détruit dans sa forme et reconstruit dans une énergie nouvelle. Et la centricité qui résulte de la pénétration des forces dans l'homme, c'est justement ce travail. C'est pourquoi ce ne sont pas les hommes de l'ancien régime qui entreront dans l'invisible. Ce seront les forces il l'amènera. Dans les rites. Il y aura des millions d'hommes sur la terre, de haute nature spirituelle, qui seront rejetés, refoulés aux portes de l'invité. Il y aura des millions d'êtres spirituels dans tous les pays du monde qui seront rejetés aux portes de l'invité. Parce que les formes de leur spiritualité auront simplement servi à servir leur personnalité à leur ego. Et non à affranchir leur ego. Pour permettre que l'âme domine l'ego. Qui ensuite devrait dominer la personnalité. Pour que se forme l'acte, le canal. Songez à vos spiritualités, songez à vos formes spirituelles tant que vous voulez. Ne ferez que songer à des formes. Et tant que vous songerez à des formes, vous sombrerez dans la boue des formes. Car les formes sont de la boue. Les formes n'ont aucune réalité essentielle. Elles n'ont qu'une réalité existentielle. Et toute réalité essentielle est occulte. Aucune forme n'est occulte. L'occulte de l'homme ancien et l'occulte de l'homme nouveau sont deux aspects différents de l'occulte. L'occulte de l'homme nouveau, le caché, n'existe pas pour lui. Mais il doit exister pour l'homme ancien. Et en relation avec lui, parce que son langage est totalement différent, sa vision est totalement différente, et son entretien avec les sphères n'est plus de l'ordre astral de l'homme ancien. La qualité d'expression de l'homme nouveau n'est plus de même de l'ordre, car la psychologie de l'homme ancien a été détruite, de sorte que l'homme nouveau ne peut plus s'expliquer à l'homme ancien, et l'homme ancien ne peut plus le connaître. De comprendre. L'un ne peut plus servir à l'autre. Ce sont deux êtres différents sur la terre. Ils vont faire en esprit, mais ils ne sont plus collaborateurs sur la terre. La centricité est à la base de ce développement. Et le mouvement dans l'homme est totalement personnel à lui-même. Aucun homme ne peut dire à un autre homme il a la vérité. Car tous les hommes ont la vérité. Alors, si un homme vous dit qu'il a la vérité, faites attention. Parce qu'un jour vous comprendrez que la vérité n'est pas. Et lorsque vous comprendrez que l'unité n'existe pas, les vérités qu'on vous dit, qu'on vous transmet, qu'on vous chuchote à l'oreille, n'auront plus aucun influence. Vous serez à ce moment-là sans vérité. Je vous parle pour demain. Je vous parle toujours pour demain. 2 ans, 50, 10 ans, 15 ans. Et petit à petit, vous comprendrez ce que j'avais dit hier. Et vous le comprendrez par vous-même. Et non parce que je l'avais dit. De sorte que vous ne serez pas prisonnier de l'île. Équivaut à être prisonnier du monde. Aucun jour, vous comprendrez que la vérité et le mensonge sont la même chose. On a deux aspects différents de la réalité. Lorsque vous comprendrez ça, vous commencerez maintenant. Quand vous commencerez maintenant, vous commencerez à réaliser comment on est. Les hommes, E a partir desse momento, eu privo a todos o AVC, que são da mesma inflação. E nenhum de nós nem poderá ser l'outro mensonge da vida. Votre santé sera suffisamment développée pour que vous puissiez regarder un être dans les yeux et ne pas chercher en lui la flamme de son intellect pour capter la réflexion de votre intellect. C'est à partir de ce moment-là que vous comprendrez ce qu'est l'amour dont parlait le Nazaréen dans le temps. Et ce qu'est l'intelligence dont je parle. Et que l'un doit être avec l'autre, uni. Sous le pouvoir de la volonté, qui vient d'en haut, afin de créer dans l'homme nouveau la trinité de la volonté, de l'amour et de l'intelligence. La trinité de l'homme. Le reste. Et le reste. L'homme a besoin de toutes choses. Il a besoin de lui-même. De sa propre paix intérieure. Une fois qu'il a cette paix, le reste lui vient automatiquement. Mais tant qu'il n'a pas cette paix, le reste ne lui vient pas. Parce qu'il doit faire l'expérience de lui-même avant d'atteindre la paix. Et la paix dans l'homme, c'est la simplicité. Je vous assure aujourd'hui que j'ai raison. Je vous assure pour vous rassurer. Mais toute réassurance, toute rassurance, ne sert qu'à vous donner un peu de mon épaule pour ce que vous devrez comprendre demain. Mais un jour, vous n'aurez plus besoin de mon épaule, parce que votre propre épaule sera assez forte. On se prête l'un à l'autre jusqu'à temps qu'on ait plus besoin de le faire. Et chacun de vous se prêtera à l'autre, parce que chacun de vous a une compréhension différente, peut servir à l'autre. Mais à un certain moment, l'autre est suffisamment stabilisé pour ne plus se servir de votre épaule. Vous avez en belle à comprendre aujourd'hui, pendant que je suis encore dans le travail, les finesses de ce que je vais dire. Parce que c'est dans les finesses, les nuances, que je cache ce que je veux. L'esprit est fin, subtil, délicat. L'esprit n'est jamais extravagant. L'esprit ne cherche pas à éblouir l'homme, mais à pénétrer en lui. Vos égaux sont bien faits, vos personnalités sont gentilles. Et je m'en fous comme dans ma tête. Que je sais que vos égaux et vos personnalités doivent être alimentées d'en haut, lorsque vos égos et vos personnalités seront alimentés d'en haut, à ce moment-là, ce sera possible pour les hommes de se séparer sur la terre, de se rencontrer dans un autre temps. Et essayer de comprendre ce que ça veut dire et ce que ça implique, croire avoir raison. Et vous verrez qu'un homme qui croit avoir raison sera toujours pour vous une source de souffrance. Et vous en avez cette expérience dans vos vies. C'est normal, c'est naturel. Ça a toujours été ainsi. C'est pour ça que je vous mets en garde contre la raison. Mais même si je vous mets en garde contre la raison, ça ne vous empêchera pas de souffrir. Car vous ne serez jamais totalement en prise. C'était dans les années 10. Après avoir été éprouvé dans votre propre centricité, à ce moment-là, vous deviendrez invulnérable. Et vous deviendrez ce que j'appelle des intouchables. Et quand vous serez des intouchables à ce moment-là, parce que déjà vous aurez connu l'autre temps, l'autre vie, l'autre cycle, vous serez de la race nouvelle. Il ne s'agit pas pour vous de vous projeter dans l'avenir. Il s'agit pour vous de vivre votre vie de tous les jours dans le cadre des instructions que j'essaie de vous transmettre pour vous faire comprendre la subtilité de la forme. Puisque je suis un spécialiste de la forme, votre maturité dépend de votre capacité de dépasser la forme à tous les niveaux de son expression. Surtout dans le domaine de la haute spiritualité ésotérique et occulte. Un homme qui n'a pas le pouvoir de détruire une forme est un homme qui n'a pas le pouvoir. Il est enchaîné quelque part à cette forme. Et il est temps que les hommes s'éveillent à la réalité de l'esprit de la forme dans l'esprit de l'âme des maîtres. Parce que les maîtres servent à maintenir sur la terre la forme de l'esprit de la forme. Et bien que leurs activités soient essentielles pour l'évolution de l'âme ancienne, elles seront inutiles dans le nouveau cycle. Ceux qui appartiennent à des sociétés ésotériques, occultes, ceux qui s'inspirent de l'extérieur, ceux qui s'inspirent par le biais des philosophies, devront un jour réaliser qu'il n'y a qu'une réalité et qu'elle est universelle et qu'elle n'est pas traductible dans des mots. Qu'elle est purement énergie. Et que dès qu'on apporte à cette énergie une alliance avec notre intelligence. Par le biais des mots, on s'enferme. Et lorsqu'on est enfermé, on n'a plus la clé sans sortir. C'est pourquoi la centricité, telle que je vous l'explique aujourd'hui, bien qu'elle serve simplement à effleurer vos esprits, un jour deviendra un aspect intégral de votre être. Être centrique voudra dire pour vous autres être capable de passer sans interférence, sans obstacle, d'un plan à un autre, selon votre volonté. Être centrique voudra dire que vous aurez la capacité d'interpréter à volonté tout ce que vous êtes. Et les actions que vous commettrez dans cette centricité seront totalement libres de l'effet karmique, parce que l'union entre l'âme et votre ego sera totale, et toutes vos actions seront déterminées selon cette union, et non selon le rapport émotionnel entre votre personnalité et votre ego, de sorte que vous serez des agents libres et non des hommes possédant un libre arbitre, coïncide avec l'effort cosmique des forces lucifériennes de dominer l'évolution du monde, afin que l'homme n'ait jamais le pouvoir de connaître son origine et de travailler avec les forces de la guerre. Toute forme d'assujettissement, toute forme, quelque raison, est un disservice à l'humanité et surtout à l'individu. Les aspects les plus rébarbatifs de votre personnalité, de vos sentiments, seront ceux qui seront nettoyés au cours de votre évolution prochaine. Il ne s'agit pas que vous soyez en relation harmonieuse avec ma personne. Il s'agit que vous soyez en relation harmonieuse avec la vibration de ma personne. Car c'est la vibration de ma personne exprimée à travers mon esprit qui vous ouvrira les portes, qui vous donnera des clés, qui vous fera comprendre des nuances essentielles à la déprogrammation totale de votre psychologie conditionnée. Ma personne n'a aucune valeur pour vous. Mais la vibration peut exprimer chez vous une valeur parallèle qui est enfouie dans vos personnalités, s'enfouit dans votre intérieur, et qu'un jour vous serez obligé de la mettre en surface, afin qu'on puisse ne pas pour tout jouer les mêmes mélodies sur un même violon. Il y aura des efforts très répandus pour retarder mon travail. Et la notion du combat aussi entre les forces. D'un côté, contre les forces de l'autre. C'est la notion d'une fin de cycle. Ce sont ceux qui sont sensibles, qui sont prêts, qui en souffrent le plus. Mais vous aurez été avec. Sans fanfare. Mais vous aurez été avec. Et ne dramatisez pas cette situation. Parce que si vous n'avez pas l'authenticité nécessaire pour refouler les influences, la souffrance de la confrontation vous amènera éventuellement à y parvenir. L'homme ne devient pas supramental d'un jour à l'autre, sauf quelques exceptions. Mais celui qui doit le devenir, car c'est écrit, doit le devenir. Et c'est à ces personnes-là que je parle. L'ego de l'homme est faible. Et l'ego de l'homme est puissant contre l'ego de l'homme. Car l'ego de l'homme est faible. L'homme est deux fois femme en lui-même. Il est femme dans son esprit. Et il est femme dans son corps. Parce que son esprit est assujetti à son corps. Et parce que son corps est assujetti à sa personnalité. Et lorsqu'un homme est assujetti, parce qu'il n'est pas libre, il n'est pas homme total. Puis toute conjuration de cet homme, toute activité créative de cet homme, dans une société quelconque, converge éventuellement vers la destruction. Parce que l'homme ne peut pas construire parfaitement. Car il manque en lui l'élément de sa perfection, qui est le contact entre son âme et son ego. Et pour que sa perfection soit de plus en plus grande, sa centricité doit être de plus en plus grande. Essayez de comprendre que votre vie aujourd'hui, demain, dans 5 ans, dans 10 ans, est simplement une période essentielle à la transmutation de vos corps, à la préparation de vos corps. Lorsque vous aurez réalisé cela, la vie vous sera plus facile. Et vous vivrez plus dans votre esprit, dans l'intérieur de vos têtes, Puis lorsque vous commencez la vie dans le derrière de votre tête, d'une façon permanente, vous commencerez à comprendre pourquoi je parle de la façon dont je parle. Vous verrez que l'évidence n'est pas dans le mot et dans la vibration. Mais à ce moment-là, vous aurez la vibration pour faire savoir la vibration. Et les mots n'auront plus pour vous plus de valeur. Mais leur résonance sera de plus en plus attachante. Car elle ne viendra pas de moi. Mais de ce qui est en moi. Et lorsque vous serez à ce stage, la vie de tous les jours n'aura plus pour vous la même valeur. Ni les hommes, ni les animaux, ni les bâtiments. Ce sera simplement une fête qui servira à canaliser vos énergies pour quelques années. Avant d'entrer en communication avec d'autres hommes qui attendent que l'humanité soit faite. Je vais le savoir. Pour que l'homme puisse entrer en communication avec ses hommes, il doit d'abord être en communication avec son propre esprit. Parce qu'un homme qui connaît un homme de notre monde sans connaître son propre esprit devient esclave de cet homme. Comme j'ai dit depuis le début, l'homme doit être un agent libre. Il ne doit pas être esclave, il ne doit jamais être dominé, mais doit partager avec les autres hommes sa même essence. Passe par leur esprit. Cette essence est la conscience universelle. Je suis fondamental. C'est la conscience cosmique. Ce sont tous des mots. Ça revient à la même chose. Si nous avançons dans le dialogue, nos vibrations changent. Et plus nos vibrations changent, plus nos souffrances grandissent. Et plus nos souffrances grandissent, plus elles s'atténuent d'une certaine façon. Parce que nous les comprenons d'une façon particulière. Et nous les comprenons plus rapidement. Le terrain est difficile parce que je dois vous parler pour demain. Mais le terrain est là. Parce que déjà, vous avez marché dessus. Et lorsqu'on est sur le terrain, on ne peut plus lever les pieds du terrain. On ne peut plus ne pas le sentir. On peut y critiquer la rocaille. On peut bousculer les rocs. On peut fouler la terre. Mais on est sur le terrain. Le contact entre l'homme, la conscience, ce qu'il se fait sentir, ne peut plus